à croire qu'il est. Bing Jinjo Sim, Zuzuku Josephina, Bunche Bali Dile. Thank you.

Bindi kumbon zepeze wang unde mă mân, acajă sondie, acajă lenge, acajă nâmbun. Aki intra tra, tanju mă vă coangi, putone sume, putone iove, oh yeah. Bon pour quoi? Pour la Dulce, ven de me, ma cosa. André, pour Dulce, ven de me, ma cosa. Amore, oh, oh, ma cosa. Et ma Dulce, ven de me, ma cosa. Mon nom di Uche, mon nom di Uche, mon nom di Lidia, mon nom di Uche. Verna pour douce, ven nom di ma cosa. André pour douce, oh oh oh, ma cosa è Dalton e oh, oh, oh, ma cosa. Mon nom di Uche, mon nom è Lidia. Moulon Kouka, moulon Kouto, moulon Bingeme. Moulon Kouka, moulon Kouto, moulon Bingeme. Ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa, ma cosa è, sole, bambino me, pour sole, pour sang, petit chat tigre noir, ben tourné, pour sang, petit chat tigre noir, ben nous dormons. Au soleil, bambine me, au soleil, au sang, petit chat tigre noir, ben tourné, au sang, petit chat tigre noir, ben nous dormons. André, bon toi, Bosco, bon toi, Prospère, bon toi, Pierrot. Oh mama fin fin au soleil, bambino me au soleil, au sang petit chat tigre noir, ben tourné au sang petit chat tigre noir, ben nous dormons. Fin fin au soleil, bambino me au soleil, au sang petit chat tigre noir. Ben tourné, pour sang, petit chat tigre noir, ben nous dormons. Célestin, bon toi, Paulin, bon toi, Claude, bon toi, Bernard, bon toi, Fantôme, bon toi, Daguerre, bon toi. Julie Bonte, Pablo Bonte, Maman Bonte, Lala Bonte, oh maman fin fin au soleil, bambino me au soleil, pour sang petit chat tigre noir, ben tourne, pour sang petit chat tigre noir. Ben nous dormons. Fin fin au soleil, bambino me au soleil, au sang petit chat tigre noir, ben tourne, au sang petit chat tigre noir, ben nous dormons. Oh! Manatondiwa, na mambo wawa. Manatondiwa, na mapulandiwa. Manatondiwa, na mambo wawa. Son, son, son, niyanamba. Manatondiwa, na mambo wawa. Namatondiwa, na mambo wawa. Manatondiwa, na mapulandiwa. Son, son, son, niyanamba. So